consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on a une belle nouveauté pour ouvrir la première demi-heure. Il s'agit du nouvel album de The Samurai of Prague qui a pour titre The Man in the Iron Mask featuring Oliviero Lacanina qui est claviériste de la formation italienne Latte e Miele, une formation des années 70 qui a notamment lancé en 72 Passio Secondum Mateum. The Man in the Iron Mask fait allusion à une légende voulant que Louis XIV ait fait enfermer son frère et lui aurait fait porter un masque de fer pour qu'il ne soit pas reconnu. On aura deux pièces de cet album et après une nouveauté italienne, El Cerchio d'Oro, avec un tout nouvel album, le cinquième, qui a pour titre Pangea e le tre lune. Et après, Marc, ben, on demeure en Italie. En effet, on aura la formation Fonderia, qui a été fondée en 1994. Ils ont présenté leur quatrième album en février 2023, qui a pour titre Dynamo. C'est leur quatrième en carrière. C'est un quatuor instrumental. Et ce sera suivi de la formation norvégienne Marek Vist, qui viennent de faire paraître leur second album au début mai, qui a pour titre Vardé. C'est leur second en carrière. Leur premier était paru en 2021. On aura la pièce Fanden. Et comme vous le disiez, Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de la formation de Samurai of Prague. We'll be right back. Uniting the kingdom. England trembles, Cromwell is growing powerful. Tempest threatens Europe. Might King Charles the First become Charles the Last? We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Plongez dans des histoires captivantes avec le projet de la coopérative Spira, La Caméra Brisée. Découvrez quatre courts-métrages audio de fiction. Du bout des ondes, La Garde forestière, Spice et Rémission. Chacun d'une durée de 10 à 15 minutes, ces histoires vous emmèneront dans un monde de suspense, de mystère et de rebondissements. Disponible dès le jeudi 25 mai sur La Fabrique culturelle. Ne manquez pas cette occasion unique de vous mettre du cinéma plein les oreilles. 42 Québec brise les codes. Notre formation gratuite te propose d'apprendre la programmation informatique comme nulle part ailleurs. On te fournit des projets concrets, un environnement stimulant et des collègues passionnés. Tu fournis la motivation et la curiosité. Rejoins la cohorte de septembre en visitant le 42québec.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec la bossa nova de Bébel Gilberto. Pour la toute première fois, la fille de João Gilberto, considérée comme le père de la bossa nova, se consacre pleinement aux airs qu'il a popularisés. Un premier passage de l'artiste à Québec à ne pas manquer. Le 9 septembre, les rythmes chaleureux et suaves de la musique brésilienne seront à l'honneur au Palais Montcalm avec Bébel Gilberto. Détails au palaismontcalm.ca. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnels? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Ici Minibulle, l'ami de Mini-Jean. Je vous invite à écouter Partout où on va, les dimanches 17h à CKRL 89.1, la super émission radio produite par le Mocha Club. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On donne le coup d'envoi de cette nouvelle demi-heure avec Single Helix, un projet britannique du claviériste Rick Loveridge, un musicien qui a fait partie d'un groupe qui a pour nom de Kentish Spires. Suite à un diagnostic de la maladie de Parkinson, Rick Loveridge décide de quitter de Kentish Spires pour réaliser un vieux rêve, c'est-à-dire un disque, son propre disque, et présenté sous le nom de Single Helix et le titre de l'album Prognosis. Il y a des membres de son ancienne formation de Kentish Spires qui ont contribué à cette session d'enregistrement et pour que leur confrère réalise un de ses rêves. Et on va écouter la pièce Silent Spring. Et puis suivra un groupe que j'écoute beaucoup de ce temps-ci, Lumsk, groupe norvégien. On peut parler d'un retour parce que ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas présenté d'album. C'est leur quatrième qui a pour titre Fremde Tune. Le précédent, Dead Ville de Cour, est apparu en 2007. Avec ce nouvel album, le groupe allie avec beaucoup de naturel, prog, folk et on peut dire hard. Et puis Marc, on va poursuivre et on sera pas très loin de la Norvège. En fait, on parle de la Finlande. Oui, en effet, et c'est le nouveau simple de la formation Narian, une pièce qui s'intitule A Place Where Even Angels Lose Faith. Alors, ils ont déjà quelques EP et 4 albums longue durée à leur actif. Cette pièce vient de paraître là, il y a 2 semaines et ce sera suivi d'une formation de Boston aux États-Unis et également un nouveau simple pour cette formation qui a pour nom de Mystical Hot Chocolate Endeavors qui feront paraître le 11 août prochain leur album intitulé A Clock Without a Craftsman. Et ce soir pour vous, on aura la pièce Sorry. Et comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de Single Helix. We'll be right back. bekymringens feber forbi. Og bringe den signede freden, som også en bønn kunne gi. Så les da det deilige diktet du velger å gi meg til trøst, og lån til poetens strofer den skjønnhet som bor i din røst. Og natten vil fylles av toner, hver kval som gjør himmelen sort skal like når araber slår sammen sitt telt og smyger seg bort. Thank you.

but tomorrow reborn. I feel the heat touching my soul. I feel the heat of the ocean. Stay with me, care for me, I will be yours. And you smothered all my fears. to fade. Flames smother one another. How often that it seems, here's the key to all your dreams. Then it's gone. You try to find a place to hide, feeling everything you tried was just a lie. How often that it seems, here's the key to Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec la bossa nova de Bébel Gilberto. Pour la toute première fois, la fille de João Gilberto, considérée comme le père de la bossa nova, se consacre pleinement aux airs qu'il a popularisés. Un premier passage de l'artiste à Québec à ne pas manquer. Le 9 septembre, les rythmes chaleureux et suaves de la musique brésilienne seront à l'honneur au Palais Montcalm avec Bébel Gilberto. Détails au palaismontcalm.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On vous parlait il y a quelques semaines de la formation québécoise Vecteur K, qui sont actuellement en studio pour l'enregistrement de leur troisième album qui aura pour titre Statigraphie. Et on vous avait présenté à ce moment-là un extrait de leur premier album, La peur du désert, paru en 2009. On aura un second extrait de cet album pour vous ce soir, la pièce 16x42. Les deux albums sont vraiment excellents, alors moi j'ai très hâte d'entendre le résultat final de ce troisième album de Vecteur K, qui est une des bonnes formations québécoises de rock progressif, qui chante en français, ce qui est quand même assez rare. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation de l'État de New York. Oui, une formation que l'on a, pour ainsi dire, adoptée à Terra Incognita. Évidemment, on a présenté tous leurs albums et puis on les a reçus à maintes reprises dans le cadre du festival Terra Incognita et toujours avec un grand plaisir. Musicien sympathique et talentueux, pour ne pas nommer Iz. Et on va écouter un extrait de l'album de Dark Knot Room. Pass me by. Will I recognize the sea or sky? Innocent and told can never die. And I'm concerned I can no longer fly. In my mind, I can't hide. In this life, I Avoir entendu ce camp auparavant, un lent murmure me traverse à présent, une incantation. Mes flammes s'éteignent soudain pour les gens qui leur ont donné naissance. Aucun gémissement. Descendre. Une odeur d'épouvante, mes poumons s'inondent d'une divague impression d'avoir entendu ce cant. D'avoir entendu ce cant auparavant.